Travis. Ça fait comme ça la batterie. Ça.

J'essaie de retenir ça. Attends. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marché cet ordinateur. Je sais plus comment ça marche. Save project. Attends. J'ai plus trop qui est branché. Je vais éteindre.